50 languages. 92. 92. الجمل الثانوية مع أن رقم 2. Subordonné avec que 2. Subordonné avec que 2. يزعجني أنك تشخر. Cela me fâche que tu ronfles. Cela me fâche que tu ronfles. يزعجني أنك تكثر من شرب البيرة. Cela me fâche que tu boives autant de bière. Cela me fâche que tu boives autant de bière. يزعجني أنك تأتي متأخرة. Cela me fâche que tu arrives si tard. Cela me fâche que tu arrives si tard. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est en train de dormir. Je crois qu'il est en train de dormir. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. سمعت أنها في المستشفى. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. سمعت أن السيارة تلفت تماما. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. يسعدني أنك أتيت. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez venu. يسعدني أنك مهتم. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous soyez intéressé. يسعدني أنك ستشتري المنزل. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi.